Chapitre 36e. Le grand frère. André Girardet entra peu après dans le salon et prit place dans un profond fauteuil. Il appela auprès de lui l'amorce et le questionna sur cet étrange événement. Selon son habitude, l'amorce, tout en ayant l'air de répondre aux questions d'André Girardet, s'arrangeait pour obtenir de lui des renseignements sur les points qui l'intéressaient, sur les gens qu'il désirait connaître. « Cette villa, dit-il, voisine de la vôtre, est vraiment curieuse, extraordinaire. Assurément, ce ne doit pas être la première fois qu'elle sert de théâtre à une scène de ce genre. « Mais si, répondit le malade, c'est, depuis que je suis ici, au contraire, la première fois que je vois quelque chose d'anormal se manifester chez mes voisins. Jamais vous n'avez entendu, comme aujourd'hui, des bruits de bataille, des appels, des cris. Jamais. Certes, il y venait beaucoup de monde. La propriété de cette villa, une vieille dame, veuve, m'a-t-on dit, dont j'ignore le nom, comptait de nombreux amis, recevait beaucoup. Il n'est venu jusqu'ici que le bruit des fêtes, des accords de piano, des voix de chanteurs ou les sons d'orchestre de tziganes, comme dans un casino. La maison semblait en effet toujours en fête. On y jouait, paraît-il, fortement le bridge. Je soupçonne même qu'on y jouait d'autres jeux. Cette villa me donne l'impression d'une maison de plaisir, s'il m'est permis de traduire ainsi ma pensée, bien plus que d'une simple maison de campagne honnête. Quelque chose comme une maison, un bateau de fleurs. L'amorce reconnaissait déjà en elle une maison de jeux clandestine. Ainsi s'expliquait ce trucage de plancher du salon. En cas d'alerte, de descente de police, on faisait dans la cave disparaître la table de jeu, la roulette ou autre. Et dans le salon ne se trouvait plus qu'une paisible assemblée devant des petites tables de jeux honnêtes et familiaux. Cependant, André Girardet posa à son tour quelques questions à la mort sur cette aventure, pendant que Madame Laurent lavait avec de l'eau tiède le sang qui couvre le visage et les mains de Riri. L'affaire en elle-même, lui dit l'amorce, est des plus simples. En deux mots, voici. Cette jeune fille, vous devez le voir à la simplicité de son costume, à la fatigue de ses chaussures, n'est pas une des habituées, une des amies de cette bonne dame qui reçoit tant de monde élégant dans la villa de fleurs. En effet, cette jeune fille, comme vous pourrez le constater dans un moment, est extrêmement jolie. C'est une simple ouvrière, appartenant à une famille des plus pauvres, mais des plus honorables. Avec sa seule aiguille, son travail, elle subvient aux besoins de sa sœur infirme et de sa mère paralysée et mourante. Vraiment, c'est la misère noire chez elle, mais l'honneur intact. Oh, la pauvre enfant, dit André Girardet. En ce cas, monsieur, veuillez prendre note que je suis très riche et qu'il me serait agréable de soulager cette infortune. Usez de moi, je vous en serai reconnaissant. Merci, monsieur. Cette jeune fille est aussi vertueuse que belle. Elle n'est pas, vous le pensez bien, sans s'attirer des compliments, des propositions, sans faire naître des passions. C'est parce qu'elle ne répond jamais aux plus tentantes avances qu'elle vient d'être aujourd'hui la victime d'un odieux guet-apens. Vous êtes sûr de cela? La preuve, tout à l'heure, quand Riri, elle s'appelle Riri, s'éveillera, elle vous la donnera. Vous êtes un parent de cette jeune fille? Non, monsieur, je ne suis ni son parent ni son ami, je ne suis même pas connu d'elle. Alors comment savez-vous? Et qu'elle s'appelle Riri, et qu'elle vient de tomber dans un guet-apens. La mort se pencha vers André Girardet et tout bas lui dit « Je sais cela comme je sais que la dame charmante et bonne qui, si adroitement, si affectueusement s'occupe d'elle en ce moment vient de l'aigle. Vous dites, s'écria André Girardet, qu'elle doit rentrer à Paris, boulevard de Sébastopol, par le train de 10 heures, monsieur. Qu'elle s'appelle Madame Laurent. » André Girardet, stupéfait, regardait avec angoisse celui qui parlait ainsi. « Qui êtes-vous donc? Qui êtes-vous? Quel rôle jouez-vous chez moi ?» L'amorce doucement lui répondit « Rassurez-vous, monsieur, je suis ici pour les honnêtes gens, avec les honnêtes gens, avec les braves cœurs. Je suis ici avec vous, comme avec cette dame charitable, comme avec cette charmante jeune fille. » Il ajouta « Pour tout vous dire, j'appartiens à la brigade de Paulin Broquet. Le grand détective? Oui, monsieur, mais parlons plus bas. C'est pour cela que vous vous êtes trouvé, ainsi que vos amis, vos collègues, dans la villa voisine, quand cet attentat s'est produit, c'est pour cela, oui, que mes collègues et moi, nous avons eu le bonheur d'arriver à temps pour sauver cet enfant. » André Girardet tendit la main à l'amorce. « Permettez-moi, monsieur, de vous serrer la main, de vous féliciter sincèrement. Maintenant, je vous rappelle doublement ce que je vous disais à l'instant. Vous me rendrez très heureux. en me donnant le moyen de venir en aide à cette jeune fille à laquelle vous vous intéressez et à sa famille infortunée. » Riri revenait à elle. Madame Laurent avait lavé le sang qui couvrait ses mains, son visage, chercha la blessure, d'où, pensait-elle, provenait ce sang. Elle ne la trouva pas. Secondée par la morse, qui, plus expert en ses recherches, vint à son aide, elle acquit la certitude que la jeune fille n'était nullement blessée. Ce fut un soulagement pour tout le monde. Peu après, Riri ouvrait les yeux, et avec effarement, regardait ceux qui l'entouraient. « Remettez-vous, mademoiselle Riri, » lui dit alors la morse. « Vous êtes ici en sûreté. Vous êtes chez des amis. Autour de vous sont de braves gens, de bon cœur, qui sont heureux de vous voir saine et sauve. » Riri, rassurée, regarda tour à tour celui qui parlait de si bienveillante façon et ceux qui l'entouraient. Dans ses figures ouvertes, dans ses yeux bons, dans ses sourires, elle trouva l'assurance que les paroles qu'elle entendait disaient vrai. Alors elle aussi sourit de son sourire charmant. « Merci, madame, » dit-elle, « merci, messieurs, mais comment suis-je ici ?» En deux mots, madame Laurent le lui expliqua. Madame Laurent lui tenait doucement la main, la caressait, cherchait à lui faire le plus agréable possible ce réveil, à écarter les suites de l'angoisse dans laquelle elle s'était évanouie. « Le médecin n'est plus nécessaire, » avait dit André Girardet au domestique. Il congédia tout le monde et défendit absolument la porte de la villa aux curieux, à quiconque. Il s'adressa alors à Riri. « Mademoiselle, nous étions en train de dîner, madame et moi, quand vous nous avez fait la surprise, maintenant agréable, de venir nous voir. « Monsieur, je regrette, excusez-moi, il n'y a pas de ma faute. Vous allez en ce cas, ainsi que votre sauveur. » À ces mots, Riri se tourna vers la morse. « Ah oui, monsieur, je vous reconnais, oui. Oh, merci, c'est vous qui êtes entré par la croisée, avec votre ami à la hachette. C'est vous qui m'avez délivré, arraché à ce misérable. Merci, mille fois merci. » Elle tendit la main à la morse, et celui-ci la serra très cordialement. Il se sentait, tout comme le brave Simon, l'ancien clown, pris d'affection pour cette jeune fille, qu'il savait maintenant aussi brave dans le péril que courageuse dans la lutte morale pour la vie, que loyale et honnête. C'était une nature rare, un caractère précieux de femme. Or, à l'école de Paulin Broquet, on apprenait à connaître et à estimer les nobles cœurs. Riri était simple, charmante, exquise. Pour elle, sans la bien connaître encore, seulement par devoir, la morse venait d'affronter les coups de revolver d'un bandit. Maintenant qu'il la voyait de près, qu'il la connaissait mieux en vérité, il se sentait prêt à se jeter contre toute une bande de malfaiteurs, et pour un sourire d'elle, à passer dans les flammes. Ah, maintenant il allait devenir dangereux, de seulement oser toucher un cheveu doré de cette jeune fille. La morse, Simon et toute la brigade de Paulin Broquet la gardaient désormais. Cependant, André Girardet reprit en souriant. « Je vous disais, mademoiselle, que nous commencions à dîner, madame et moi, quand vous êtes arrivée ici. Vous êtes venue un peu malgré vous, mais j'espère que vous allez rester de votre bon gré maintenant. » Mais Rirette, tout à fait remise, s'est élevée. « Restez, oh monsieur, je vous suis bien reconnaissante de me proposer cela, mais je ne puis accepter votre offre gracieuse. Il faut que je rentre. Je ne sais où je suis, on m'a emportée en automobile et si vite que je n'ai pu reconnaître les endroits par où l'on m'a fait passer. Vous êtes à Ville-d'Avray. » « À Ville-d'Avray, si loin? Or, je crois qu'il va être l'heure où l'on sort des ateliers. Il faut que je rentre à la maison. Ma sœur, ma mère seraient inquiètes. Et puisque, grâce à vous maintenant, tout danger est conjuré, je serai heureuse que chez moi on n'eût aucune alarme. Rassurez-vous, mademoiselle, vous serez reconduite chez vous très rapidement. Monsieur, qui vous a arraché au danger, saura éviter toute inquiétude à vos parents. Une automobile en quelques minutes vous ramènera à votre porte à l'heure habituelle de la sortie des ateliers. » « Oh, monsieur, que de remerciements! Mais quel dérangement je vous cause! Aucun, aucun! Si vous nous permettez, nous allons reprendre notre dîner. Je vous en prie. Mais vous allez, puisque vous êtes mon hôte, me faire ce plaisir de vous asseoir à côté de madame. Votre sauveur se mettra à côté de moi. Mais, monsieur, vraiment, si, si, on va vous servir, j'ai sonné. Voici votre couvert. Madame vous tient maintenant sous sa gracieuse protection. C'est elle qui, mieux que moi, saura ce qui vous convient pour vous réconforter, vous rétablir tout à fait après cette forte secousse. Vous n'avez qu'à lui obéir. Vous verrez combien ses ordres sont doux à exécuter. » Madame Laurent s'occupa donc de Riri. La morse accepta également, non un dîner, mais quelques biscuits et du vin d'Espagne qu'on apporta pour Rirette. tout en grignotant de ses jolies dents, tout en savourant gentiment le vin d'Espagne, Riri fit à ses hôtes le récit de la scène qui s'était passée dans le petit salon. « Vous ne connaissez pas le nom de ce misérable ?» lui demanda André Girardet. « Si, monsieur, à l'atelier nous savons tout de son nom. Il s'appelle le comte de la Guérinière. » À ce nom, Madame Laurent ne put réprimer un frisson, un mouvement d'anxiété profonde. Mais André Girardet regardait Riri. Il ne vit pas ce mouvement qui n'échappa pas au second de Paulin Broquet. Quant à André Girardet, il dit simplement « Je ne connais pas ce gentilhomme, mais je suis certain que c'est un misérable. Et si je n'étais, hélas, infirme, j'aurais grand plaisir à lui dire ma façon de penser. » L'amorce ne souffla mot, mais il approuva la déclaration d'André Girardet d'un mouvement de tête. Cependant, l'heure arriva où il fallait que Riri partît de Ville d'Avray pour arriver chez elle sans causer d'inquiétude. André Girardet lui dit « Mademoiselle, le hasard, qui n'est souvent que la manifestation de la volonté du ciel, m'a donné le plaisir de faire votre connaissance. Je tiens à ce que nous n'en restions pas là. Vous êtes seule dans la vie, et malgré votre vaillance, votre courage que je connais maintenant, il peut encore vous arriver d'autres graves ennuis. Il faut tout prévoir. Je me constituerai fort volontiers votre défenseur, si vous me faisiez cet honneur de me concéder ce titre. Hélas, je suis infirme. Mais voici un mot pour un de mes amis qui est à Paris. C'est un noble et vaillant cœur qui sera près de vous, comme j'eusse été. Dès que vous aurez un ennui moral, comprenez-moi bien, dès que vous serez dans le moindre péril, adressez-vous à lui comme, je l'espère, vous auriez fait auprès de moi. Oui, monsieur. En lui, comme en moi, vous avez dès maintenant un ami sincère, loyal, un frère aîné. » André Girardet traça rapidement quelques mots sur une feuille de papier à lettres, s'appuyant aux sous-mains que devant lui tenait Madame Laurent. Puis, ayant mis l'adresse, il tendit la lettre à Riri. « Gardez ceci précieusement et promettez-moi d'en user. Je vous le promets, monsieur, et vous remercie. » Il ajouta, lui donnant une carte, « Voici mon adresse, ici, mon nom. Je serai heureux demain si vous voulez bien me donner un coup de téléphone pour me dire comment vous avez passé la nuit, comment vous êtes. Je vous le promets aussi, monsieur, mais je suis vraiment confuse de toutes vos bontés. Je ne suis qu'une pauvre ouvrière que vous ne connaissiez pas il y a quelques instants, et vous me traitez avec autant de sympathie, autant de cordialité que si depuis de longues années... « Une minute suffit, » dit André Girardet, « pour apprécier et aimer qui en est digne, et de longues années ne parviennent pas à conquérir une estime quand on ne la mérite pas. Or, dès maintenant, vous avez en moi un ami, un grand frère, qui, je peux vous le dire, mon état me permet cet aveu à une jeune fille charmante comme vous, qui vous aime bien sincèrement. » Rirette alla remercier Madame Laurent. Madame Laurent, affectueusement, l'embrassa, lui promit d'aller la voir à l'atelier, de ne pas la perdre de vue. À André Girardet, en le remerciant, Rirette tendit la main, puis, après avoir regardé Madame Laurent, qui fit signe en souriant, elle offrit ses joues roses, très gracieusement. Peu après, elle roulait avec l'amorce en auto et gagnait l'avenue de Clichy. L'amorce la démarqua place de Clichy et se mit à la suivre à quelques pas, se dissimulant dans la foule, ne la perdant pas de vue, jusqu'à ce qu'elle fût entrée dans le passage Ganneron et qu'elle eût gagné la triste demeure, la sombre maison, où Marie la Bossue, la Carabosse et sa mère de plus en plus faible attendaient son retour. Dans sa chambre, Rirette alla mettre précieusement dans sa cassette la lettre que lui avait donnée André Girardet, la lettre qui devait être pour elle d'un si grand secours, la lettre qui lui ferait trouver dans la vie l'appui d'un homme bon, loyal et brave, d'un grand frère. Et cette lettre portait, avec l'adresse ce nom, Maître Raoul Montreuil, avocat.